Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la première conférence interprovinciale de 1887. Je suis convaincu, moi, que de l'utilité, de la très grande utilité de ces conférences, de leur nécessité même, tous les premiers ministres à l'heure actuelle veulent que se continuent annuellement ces conférences des premiers ministres des provinces. Le premier ministre québécois Jean Lesage se félicita en 1962 de la tenue régulière de conférences réunissant les premiers ministres des provinces. Si ces conférences des premiers ministres provinciaux font effectivement maintenant partie de notre paysage politique, il est intéressant de se souvenir du contexte dans lequel a été organisée la toute première de ces conférences. C'est en 1887 que le premier ministre du Québec, Honoré Mercier, décide de convoquer une première conférence des premiers ministres provinciaux et signe précurseur de la dynamique qui allait s'installer entre les provinces et le pouvoir central à Ottawa, c'est d'autonomie provinciale dont parleront les premiers ministres des provinces à Québec en octobre 1887. Un homme va capitaliser, si j'ose dire, l'émotion populaire. Honoré Mercier, orateur dynamique, combatif, profondément patriote, esprit élevé, son influence est profonde sur les masses. En 87, porté par la vague réaliste, il réussit à grouper des libéraux canadiens français, des conservateurs nationaux, le groupe des ultramontains ou castors et le Parti nouveau, appelé Parti national, prend le pouvoir. La province de Québec va vivre une courte mais grande période. L'on ne sera pas surpris de trouver encore en Mercier un fervent de l'autonomie provinciale. Il est hostile à toute forme de l'unitarisme. Et comme ses déclarations sont restées d'une singulière actualité, nous ne sommes ni une colonie, ni une dépendance de la Confédération. La source des pouvoirs, on ne saura trop le répéter, ne va pas du Canada aux provinces, mais bien des provinces au Canada. Elles sont constituantes. Il est constitué. Extrait de l'émission radiophonique du Chanoine Groulx à l'antenne de CKAC à la fin des années 40, au début des années 50. Lionel Groulx, qui, dans cet extrait, décrit le contexte qui va conduire Honoré Mercier au pouvoir en 1886, de même que la vision que se fait Honoré Mercier du pays et de l'autonomie provinciale dans ce pays. Pour nous parler de la pensée politique d'Honoré Mercier, du contexte également dans lequel va être organisée cette toute première conférence des premiers ministres des provinces en 1887, je reçois Éric Bédard, historien à la TELUC, auteur entre autres de l'Histoire du Québec pour les nuls et collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Éric Bédard, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord sur cette conférence de 1887. De quelle manière elle sera importante? Ben, c'est importante puisque c'est la première. C'est la première fois que les premiers ministres des provinces se réunissent. Dans ce cas-ci, en l'absence du gouvernement fédéral, aucun représentant de l'État fédéral n'est présent à Québec en octobre 1887. Merci, il avait quand même invité mais le bien premier sûr, ministre John McDonald. Oui, il l'avait invité, mais c'était des ennemis à jurer. Mais bon, il l'avait invité, bon joueur. Et finalement, il va décliner cette invitation. Et donc, des premiers ministres des provinces se réunissent, discutent entre eux de l'avenir de la Confédération, discutent entre eux de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, des pouvoirs de l'État central et des provinces. Et c'est une première. C'est la première fois qu'on voit ça. Ils vont discuter d'une série de sujets fiscaux. Mm-hmm. On en parlera de la nomination des sénateurs, du pouvoir de désaveu du gouvernement fédéral. Et ils vont essayer de s'entendre sur un certain nombre de ouais. propositions. Et par la suite, donc, l'expérience va se répéter. Ça deviendra une tradition. Puis déjà, donc, je le disais, mais c'est vrai que déjà à la première conférence en 1887, les provinces parleront d'autonomie provinciale. Ça définit tout de suite le rapport qui va s'engager pour la suite avec les différents gouvernements qui se retrouveront à Ottawa. On va revenir, bien sûr, sur cette conférence dans un instant, Éric Bédard. Mais d'abord, peut-être nous rappeler à qui on a affaire. C'est Honoré Mercier, comme premier ministre du Québec, nouvellement élu, qui convoque cette conférence. Qui est-il, Honoré Mercier? Alors, Honoré Mercier a un parcours intéressant. C'est un avocat. Il fait son cours classique au Collège Sainte-Marie à Montréal, chez les Jésuites. Il fait partie de ses premières cohortes, puisque c'est un collège qui a été fondé durant les années 1840 à l'initiative de Mgr Bourget. Il va par la suite devenir journaliste. Journaliste au Courrier de Saint-Hyacinthe. C'est là qu'il a son premier véritable emploi. Et dans ses articles qu'il publie durant les débuts des années 1860, on découvre son hostilité à l'acte, au projet de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, ce qui est en soi intéressant. Ouais. Il écrit de nombreuses reprises qu'il est plutôt contre. Il est au départ plutôt sympathique aux conservateurs, aux courants conservateurs, mais les conservateurs de l'époque, c'est-à-dire qui sont les fils de Louis-Hippolyte Lafontaine, de Baldwin, donc c'est pas les conservateurs qui viendront plus tard. Il est plutôt sympathique à ces gens-là, mais il va rompre, notamment sur ce projet de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Et il va ensuite plutôt aller du côté libéral, mais sans jamais avoir des œillères partisanes très fortes. Ouais. Il va faire une petite incursion sur la scène fédérale dans un parti éphémère qui s'appelait Parti National. Il va ensuite revenir sur la scène québécoise et devenir chef du Parti libéral du Québec en 1883, mais dans un contexte qui n'était pas facile. Oui, il y a le contexte qui effectivement ne sera pas facile. Il y a aussi, il faut dire que c'est un parti qui est assez divisé à ce moment-là. Dans quel contexte justement il se retrouve à la tête des libéraux? Alors c'est intéressant puisque vu de loin, on voit pas toutes cette fragmentation, mais il y a une certaine fragmentation de la classe politique ou des courants politiques. Alors, chez les conservateurs, il y a les conservateurs de gouvernement, Cartier, Langevin, et plus tard Adolphe Chapleau. Adolphe Chapleau va être le vis-à-vis d'Honoré Mercier. Ils sont nés la même année. On dit que c'était un très grand orateur. Et il y avait une grande influence au Québec. Donc, il y avait les conservateurs, disons, de gouvernement, les conservateurs pro-entreprise privée, développement. Mais il y avait les conservateurs plus doctrinaux, c'est-à-dire les conservateurs proches des ultramontains, je parle du Québec, oui. Donc proches de l'Église catholique, ceux qui croyaient à la suprématie du spirituel sur le temporel, et ça, c'était pas des enfants de cœur, même s'ils étaient religieux. Alors, entre ces deux groupes, c'était souvent la guerre. Et du côté libéral, eh bien, il y avait là aussi deux courants. Il y avait des gens, il y avait un libéralisme plus français, plus républicain, inspiré par les grands courants, les grands penseurs qui avaient fait la Révolution française de 1848, et Lamartine, et Victor Hugo, et au Québec, quelqu'un comme Honoré Beaugrand, qui a fondé le journal La Patrie, incarnait un peu ce courant, disons, rougiste, ce ouais. courant plus républicain. Et il y avait les libéraux plus modérés, comme Mercier, mais aussi comme Wilfrid Laurier sur la scène fédérale, des libéraux qui s'identifiaient davantage au libéralisme anglais, hein, un libéralisme plus modéré, qui pouvait très bien fonctionner avec l'Église, qui n'était pas anticléricaux comme l'étaient plus les républicains rouges. Donc, il prend la tête de ce parti libéral avec toujours cette faction un peu plus républicaine. Et son défi à Mercier, c'est de rassembler l'opposition. Ouais. Puisque à l'époque de Mercier, durant les années 1880, le parti naturel de gouvernement, hein, aujourd'hui, dans le Québec de 2017, le parti naturel de gouvernement au Québec, on a l'impression que c'est le parti libéral. Bon, mais à l'époque, c'était le parti conservateur. C'était difficile de contester le pouvoir au Parti conservateur, qui était à la fois fort au Québec ouais. et sur la scène fédérale. Mais Mercier, dans ses qualités d'homme politique, est d'abord un orateur, on ne l'a pas dit, mais un sacré orateur, on va y revenir, mais un fin stratège aussi. Oui. Donc, il sait, il définit assez rapidement, assez clairement, la stratégie qui lui permettra justement d'aller chercher cette adhésion pour prendre le pouvoir. Ça repose sur deux éléments, en gros. Oui. Alors, pour gagner, pour prendre le pouvoir, ça lui prenait d'une certaine façon une doctrine qui pouvait montrer aux Québécois, aux Canadiens français qu'il était l'un des leurs, un grand défenseur du combat canadien-français, bon, donc une forme de nationalisme, et ce sera la doctrine autonomiste, ouais. grosso modo. Mais une doctrine, ça peut être bien sur papier, ça peut faire des bons discours, mais ça lui prenait aussi un événement. Ouais. Et cet événement, évidemment, ce sera la pendaison de Louis Riel, l'un des nôtres, notre frère, dira ouais. Honoré Mercier, même si certains contestent cette perspective, même les conservateurs de l'époque, est-ce que les Métis sont vraiment nos frères, à nous, Canadiens-Français, mais il dira, l'un des nôtres a été pendu à cause de qui? À cause de ce gouvernement conservateur. Et ce sera déterminant, effectivement, cette pendaison de Louis Riel et ce discours que fera Mercier quelques jours plus tard dans le fait qu'il prenne le pouvoir à Québec. Mais commençons par sa doctrine, parce que ça oui. repose sur ses deux piliers, et c'est très important. On revient à la conférence de 1887, où on parlera d'autonomie provinciale. La conception qu'il a de l'autonomisme, comment la définir? On écoute l'historien Jean Hamelin, qui en parle à l'émission « L'histoire comme ils l'ont faite » en 1967. Mercier disait, si on veut un Québec fort, bien, il faut que le Québec ait sur le plan juridique, sur le plan politique, les instruments de la maîtrise de son destin. Et ça impliquait, si vous voulez, une décentralisation des pouvoirs. On n'a pas idée aujourd'hui, n'est-ce pas, de voir comment cette Constitution de 1867 a pu évoluer. Il y avait à l'époque, il y avait le fameux droit de désaveu. Le gouvernement fédéral avait 2 ans pour désavouer des lois provinciales qui allaient à l'encontre des intérêts du ce qu'on appelle le bien commun, c'est-à-dire des intérêts d'Ottawa. Hein? Alors, Mercier, encouragé par Mowat, qui était premier ministre de l'Ontario, ont entrepris une lutte à mort, pourrait-on dire, pour mettre fin à ce droit de désaveu. Ils ont vu que Johnny MacDonald avait désavoué plus de 40 lois provinciales en 5 ans. Mercier a donc revendiqué ce qu'on appelle aujourd'hui l'autonomie provinciale. Je crois que l'idée importante de Mercier, c'est que d'abord, il faut, à l'intérieur de la Confédération, d'une confédération indépendante de l'Angleterre, ce que va reprendre Bourassa, il faut un Québec fort, c'est-à-dire un Québec autonome, hein, qui est capable d'assumer son destin à l'intérieur de la Confédération. Alors, cette conception d'autonomie provinciale passe chez Honoré Mercier, on vient bien de l'entendre, par la fin d'abord du fameux droit de désaveu d'Ottawa. On pourra y revenir d'ailleurs, il en sera question à la conférence de 1887, Éric Bédard. Mais plus largement, comment définir la vision qu'il a, cette notion d'autonomisme provincial? Mais en effet, je pense que ça germe dans un contexte où on a le sentiment que John A. MacDonald, qui n'a pas réussi à obtenir son union législative en 1864, lors de la conférence de Québec et à la conférence de Londres de 1866, tente, par la porte d'à côté, par cet exercice du droit de désaveu, du pouvoir de désaveu, donc c'est ce pouvoir qu'a l'État fédéral de désavouer des lois votées dans les provinces. Par exemple, il y a la province de Nouvelle-Écosse qui conteste ce pouvoir du fédéral, que le fédéral s'est arrogé sur les permis d'alcool, par exemple, ou des emprunts que veulent faire les provinces, mais qui sont désavoués, puis souvent c'est des bas intérêts matériels, hein, c'est des compagnies qui se font des compétitions, et le fédéral vient mettre son nez là-dedans. Donc ce droit de désaveu, cette conception de l'autonomie germe dans un contexte où on n'a pas confiance en John A. MacDonald. On a l'impression qu'il ne respecte pas l'esprit de cette fédération quand même. On a quand même convenu d'une fédération, donc 2 ordres de gouvernement, un partage de souveraineté. Alors, il y a cette méfiance extrême à l'égard de John A. MacDonald et des conservateurs. Mais deuxième élément, et là, c'est là qu'on voit qu'Honoré Mercier, c'est quand même un avocat. C'est un avocat qui est inspiré par un nommé Loranger, qui va être juge, un homme qui vient aussi de la région de Saint-Hyacinthe. Il va développer, au point de vue même doctrinal, une nouvelle conception en 1867. Il va même faire une relecture des événements de 1864. Il va dire que en 1864 et 1866, c'est pas tout à fait les mêmes textes qu'on retrouve. Et donc, il y a peut-être eu du triturage en chemin. Mais surtout, il va développer cette conception que 1867, au fond, ce qu'on appelle le pouvoir résiduaire, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas nommé dans la Constitution, ben, selon Honoré Mercier, ça devait appartenir aux provinces. Je voulais un extrait d'une conférence qu'il prononce le 4 avril 1884. L'existence des provinces a précédé celle de la puissance. Ça, c'était le Canada. Celle de la puissance, et c'est d'elle que celle-ci a reçu ses pouvoirs. Les provinces possédaient le gouvernement responsable en 1867. Elles avaient leur législature, leurs lois et toute l'autonomie qui est inhérente à une colonie. Les provinces ont délégué dans l'intérêt général une partie de leur pouvoir. Et ce qu'elles n'ont pas délégué, elles l'ont gardé et le possèdent encore. Et il ajoute, et ça c'est très important, elles sont souveraines dans les limites de leurs attributions. On va entendre ça en 1965 avec Gérard Lajoie. Elles sont souveraines dans les limites de leur attribution et toute atteinte portée à cette souveraineté est une violation du pacte fédéral. Donc là, vous voyez, il y a non seulement la peur du gouvernement MacDonald, mais il y a un fondement légal, doctrinal, que va mettre de l'avant Honoré Mercier avec l'appui, et ça c'est très important de le dire, de son vis-à-vis, et pas encore son vis-à-vis, mais du premier ministre ontarien Oliver Mowat, qui soutient lui aussi cette perspective, qui est un libéral et qui soutient cette perspective. Parce que c'est intéressant, mais effectivement, l'autonomisme provincial à ce moment-là ne touche pas que le Québec. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la vision du pacte fédératif ou confédératif de Mercier, c'est pour lui d'abord et avant tout la réunion de différentes provinces. Il est pas du tout, Éric Bédard, dans la dynamique des deux peuples fondateurs. Voilà. Et ça, c'est intéressant aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé en relisant les discours rassemblés d'ailleurs par l'ancien recteur Claude Corbeau dans son ouvrage, publié en 2015. Ça m'a frappé de voir que, justement, cette perspective, et ça confirme la thèse d'un historien qui s'appelle Arthur Silver, cette thèse du pacte entre deux nations, elle n'apparaît nullement dans les écrits de Honoré Mercier. Honoré Mercier est bien conscient qu'il porte sur ses épaules, lui et les premiers ministres du Québec, ceux qui président aux destinées du Québec, un peu le poids du destin d'un peuple, le peuple canadien-français. Mais jamais ne présente-t-il 1867 comme une grande entente entre deux nations. Non, sa vision est celle d'une entente entre partis constitués, entre provinces, entre colonies, qui ont accepté de déléguer une partie de leur pouvoir à un État central. Donc voilà pour ce qui est de sa vision de l'autonomisme. L'autre grand élément à sa stratégie, on le disait un peu plus tôt, pour remporter cette fameuse élection qui l'attend, on aurait remercié, c'est cet événement. Cet événement qui va cristalliser l'opinion publique en sa faveur, ce sera la pendaison de Louis Riel le 16 novembre 1885, suivi du célèbre discours d'Honoré Mercier à ce sujet-là, le 22 novembre 1885. Jean-Claude Germain en lit un extrait de ce discours à l'émission L'Aventure en 1991. Riel, notre frère est mort. Victime de son dévouement à la cause des Métis dont il était le chef, victime du fanatisme et de la trahison. Du fanatisme de Sir John et de quelques-uns de ses amis. De la trahison de trois des nôtres qui, pour garder leur portefeuille, ont vendu leur frère. En tuant Riel, Sir John n'a pas seulement frappé notre race au cœur, mais il a surtout frappé la cause de la justice et de l'humanité qui est représentée dans toutes les langues et sanctifiée par toutes les croyances religieuses, demandait grâce pour le prisonnier de Regina, notre pauvre frère du Nord-Ouest. En face de ce crime, en présence de ces défaillances, quel est notre devoir? Nous avons trois choses à faire. Nous unir pour punir les coupables. Briser l'alliance que nos députés ont faite avec l'orangisme et chercher dans une alliance plus naturelle et moins dangereuse la protection de nos intérêts nationaux. Que dit Honoré Mercier, Éric Bédard, dans ce fameux discours du 22 novembre 1885, « Riel, notre frère est mort ». Oui, donc, mais il joue sur deux tableaux en même temps. Il dit « notre frère », donc nous avons été touchés, nous, nationaux canadiens-français, dans notre chair, hein, on a assassiné l'un des nôtres, mais en assassinant l'un des nôtres, on a commis une grande injustice, et l'injustice, elle est universelle, c'est-à-dire c'est une injustice au genre humain, d'une certaine façon. Il va jouer constamment sur à la fois le registre national, même nationaliste, mais le registre d'une sorte de justice immanente, et pour cette raison-là, il faut s'indigner, évidemment. Et donc, il va appeler vers lui, évidemment, il y a une indignation incroyable au Québec à ce moment-là, les libéraux serrent les rangs, il va appeler vers lui, avec un côté assez magnanime, tous les conservateurs déçus, il va faire preuve d'ouverture, et il va créer donc le Parti national qui va être porté au pouvoir au tout début de l'année 1887, après des élections, somme toute encore serrées. Oui. Et dès qu'il arrive au pouvoir, eh bien, il envoie quelques mois plus tard, le 24 septembre 1887, les lettres pour inviter les provinces à faire partie de cette conférence. Comme on l'a dit, l'État fédéral n'y sera pas, mais l'Ontario d'Oliver Mowat est très bien représenté. Oui. Elle arrive en chemin de fer. C'est un événement mondain en même temps qui se tient à Québec du 20 au 28 octobre 1887. Ensuite, le premier ministre de Nouveau-Brunswick, Andrew George Blair, vient aussi. Il a aussi plusieurs griefs contre l'État fédéral qui n'a pas voulu construire son pont. Le Manitoba est représenté par un métis anglophone et anglican. Ah bon? On ne savait pas que ça pouvait exister. Un dénommé John Norkay, un grand colosse de 300 livres et 6 pieds, impressionnant, qui va être, lui, qui est en sursis, qui va perdre le pouvoir le 23 décembre suivant. C'est le seul conservateur qui se présente à la convention, à la rencontre. Et évidemment, la Nouvelle-Écosse aussi sera représentée par un dénommé William Stephen Fielding, un futur ministre du gouvernement de Wilfrid Laurier. Donc, tout commence le 21 octobre. Les invités sont reçus à un grand souper à l'hôtel du Parlement, pas législatif, comme on l'appelle à l'époque. Il y a une tournée en yacht sur le fleuve. Il y a un bal qui est organisé le 25. C'est un grand événement qui va déboucher sur 24 résolutions 24 résolutions. Premièrement, faire disparaître le droit de désaveu du gouvernement fédéral. Ça, c'est très important. Tout le monde s'entend là-dessus. Ce fameux droit de désaveu. Est-ce qu'ils vont réussir? Alors, malheureusement, pas vraiment. Mais enfin, la solution qui est trouvée, et ça étonne, les adversaires de Mercier vont se moquer de lui, c'est d'avoir un arbitrage impérial. C'était en fait l'optique d'Oliver Mowat. Donc, plutôt quand il y a un conflit entre les provinces et l'État fédéral, c'est l'Empire qui tranche. Ah bon, on se tourne vers Londres. On se tourne vers Londres. Ensuite, un nouveau mode de sélection des sénateurs fédéraux. Déjà, on percevait que c'était des nominations strictement partisanes. On va proposer que la moitié des sénateurs soient choisis par les provinces. Ensuite, des révisions majeures en termes de fiscalité. Et on souhaite que la constitution interne de chaque province puisse être amendée, modifiée selon les désirs des législatures. Alors, écoutez, concrètement, il n'y aura pas d'amendement constitutionnel, il n'y aura pas de changement significatif à la suite de 1887, mais il y a un signal envoyé par les provinces. Exactement. Il y a un signal, il y a un symbole, il y a une nouvelle conception du Canada qui prend forme. Cette nouvelle conception du Canada va faire des petits. On sait que plusieurs vont par la suite se réclamer de cet autonomisme. Il faut dire aussi que plusieurs jugements du Conseil privé de Londres donnent plutôt raison aux provinces contre l'État central à la fin du 19e siècle. Mais on a l'impression que pour Mercier, une fois cette conférence faite, il ne revient plus beaucoup sur ses enjeux. Il a d'autres chats à fouetter. Il va reprendre le pouvoir par la suite, mais il va malheureusement s'éclipser dans un climat de corruption, une histoire là, de pot de vin de la baie des Chaleurs qui est pas très claire. Mais il n'y aura pas beaucoup de suites concrètes à cette conférence, mais c'est quand même un jalon important. Et comment fluctuera ce fameux concept d'autonomisme provincial? Il y a des moments dans la fédération où les provinces feront commun contre Ottawa, mais ce sera des moments justement périodiques, non? Oui, en effet, il y aura des hauts et des bas, mais c'est sûr qu'au 20e siècle, il y aura une tendance croissante à une certaine forme de centralisation. Au départ, parce que on dit c'est la guerre, Première et Deuxième Guerre mondiale, des besoins fiscaux, des besoins en taxes très importants, et on gruge dans le pouvoir des provinces. Et ensuite, on dit, ah, ben là, c'est l'État-providence, donc là, c'est la santé, c'est la culture, il faudrait que ce soit l'État fédéral qui s'en occupe. Et là, ben, on va arriver au Québec durant les années 50 avec cette fameuse commission Tremblay qui va être convoquée par le premier ministre Maurice Duplessis. Et par la suite, ben, la Révolution tranquille, où là, de façon plus robuste et claire, on va affirmer que le Québec doit avoir des pouvoirs spéciaux, doit être un État associé. Ouais. Et où le concept même d'autonomisme provincial devient plus québécois. Alors que il y a toute une tradition de décentralisation qui existe au Canada anglais qui peut-être a été un peu oubliée aujourd'hui. Éric Bédard, historien, professeur à la TELUC, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci Éric. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'aujourd'hui l'histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.